L'épître de Paul à Philémon. C'est la plus courte des épîtres de Paul, mais ce n'est pas la moins saisissante. Sa lecture nous plonge tant dans l'atmosphère de l'Église primitive que dans les rigueurs du régime social de l'Empire romain où, dans certaines villes, les esclaves représentaient jusqu'au 90% de la population. Paul est en prison à Rome. Il vient de remettre ses épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens à Tychique, son envoyé spécial aux églises d'Asie mineure. L'apôtre en a profité pour y joindre une courte missive adressée personnellement à Philémon, cet homme influent qui accueillait les chrétiens de Colosse dans sa maison. Après les salutations d'usage, où Paul nomme successivement Philémon, Apphia, probablement la femme de Philémon, et Archippe, le pasteur de l'église, l'apôtre exprime son appréciation du fidèle témoignage rendu par Philémon lui-même. Je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Versets 5 à 6. Mais là n'est pas l'objet principal de sa lettre. L'apôtre désire présenter une requête spéciale à Philémon. Il vaut la peine d'ouvrir votre Nouveau Testament à la lettre à Philémon. Elle se trouve à la fin des épîtres de Paul et avant l'épître aux Hébreux. Elle ne comprend qu'un seul chapitre de 25 versets et nous lirons ensemble à partir du verset 8. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Quel est-il donc le sujet de l'ardente supplication de l'apôtre ? Un esclave, du nom d'Onésime, avait autrefois travaillé chez Philémon. Peut-être y avait-il entendu l'Évangile, mais alors son cœur était resté fermé devant l'amour de Dieu. Puis, Onésime avait cédé à la tentation de dérober quelques biens appartenant à son maître et s'était enfui de Colosse, sans doute pour échapper aux autorités locales qui n'auraient pas manqué de le frapper de sanctions si on l'avait arrêté et livré à la justice. Quelques années se sont écoulées. Onésime est arrivé à Rome, et là, Dieu avait son moyen pour se révéler à lui. Par un concours de circonstances inconnues de nous, Onésime est entré en contact avec l'apôtre Paul qui, dans sa prison, lui a prêché l'Évangile. Et le miracle s'est produit. Onésime a ouvert son cœur à la grâce divine et accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Dès sa conversion, tout a changé. Il cherche désormais à rendre service à Paul. Il pourrait devenir un aide appréciable pour l'apôtre, mais il faut d'abord qu'une situation devant les hommes soit réglée. L'apôtre ne veut pas profiter des services d'Onésime avant qu'il ait réparé ses torts à l'égard de son ancien maître. Il faut qu'il demande pardon à Philémon et démontre ainsi la transformation opérée en lui par l'Évangile. Mais écoutons comment Paul plaide la cause d'Onésime, versets 10 à 11. « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. » Dans cette phrase, il y a en grec un jeu de mots. Le nom Onésime signifie « utile ». Or, l'ancien esclave de Philémon était devenu inutile à son maître. Il l'avait lésé et il s'était enfui. Mais maintenant, la grâce de Dieu l'a transformé. D'inutile qu'il était, Onésime est redevenu utile à Dieu et aux hommes. C'est pourquoi Paul affirme, versets 11 à 14, « Onésime qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi, je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. » Paul ne veut pas arracher un acte de bonté à Philémon, mais il désire que celui-ci accorde à Onésime son pardon et l'accueille de plein gré. Il invite donc cet ex-patron à considérer celui qui autrefois était son esclave, non plus comme tel, mais comme un frère bien-aimé auquel il remet sa dette en vertu de la grâce de Jésus-Christ. L'évangile mis en pratique est d'une efficacité indéniable pour niveler les différences sociales et unir en Christ les membres d'une même famille spirituelle. Versets 15 à 16. Afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Bien sûr, Onésime n'a pas d'argent pour restituer ce qu'il a dérobé à Philémon. Paul le sait, et s'il propose au maître offensé d'acquitter son ancien esclave, c'est qu'il s'offre lui-même comme garant et qu'il propose de dédommager Philémon. Versets 17 à 19. Si donc tu me tiens comme ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai. Mais, direz-vous peut-être, quel enseignement pouvons-nous tirer aujourd'hui de cet incident vieux de 20 siècles? Nous sommes ici en présence de l'une des plus merveilleuses illustrations bibliques du salut par grâce en Jésus-Christ. Ce que Paul a fait à l'égard d'Onésime, notre Sauveur l'a accompli pour nous. Voulons-nous reprendre la lecture de cette requête de l'apôtre en l'éclairant cette fois du faisceau lumineux de l'amour de Christ? Vous et moi, nous avons gravement offensé le Dieu Créateur. Nous avons accaparé des biens précieux appartenant à Dieu notre Maître. Peut-être avons-nous gaspillé notre santé, nos facultés ou les ressources matérielles qui nous étaient prêtées. Au lieu de les employer pour Dieu et à son honneur, elles sont devenues les instruments du mal et du péché. Incapables de faire le bien, nous étions inutiles à Dieu, rebelles même, et séparés de lui par le péché. Comme Onésime a fui son maître Philémon, nous nous sommes éloignés de Dieu et nous nous sommes égarés toujours davantage dans la révolte contre lui. Mais dans sa grâce, le Tout-Puissant a su comment nous retrouver. Peut-être est-ce un serviteur de Dieu qui a été placé sur notre chemin. Peut-être un verset biblique a-t-il frappé nos yeux, ou une prédication de l'Évangile a-t-elle retenti à nos oreilles. Et par ce moyen, nous avons entendu la voix du Père Céleste. Mais comment pouvions-nous rentrer dans les faveurs de notre divin Maître? Il fallait que quelqu'un s'offre comme garant de notre réconciliation et de notre salut. Et c'est là qu'intervient Jésus-Christ, notre Sauveur. Par son sang expiatoire versé à la croix du calvaire, il a payé notre dette. Plus, il est ressuscité et il est monté dans la gloire pour plaider notre cause devant son Père. Désormais, Dieu est prêt à nous accueillir favorablement parce que Christ, notre avocat, intercède en notre faveur et nous présente comme des frères pleinement pardonnés parce qu'il nous a rendus justes devant Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains 8, 33 à 34. Nous savons qu'un jour, Dieu nous accueillera avec autant de bienveillance que s'il accueillait son propre Fils. Il nous aime comme son propre Fils, parce que nous avons été rendus justes par son Fils. La lettre à Philémon est le certificat de garantie établi par l'apôtre au sujet d'Onésime. De même, le Nouveau Testament est en quelque sorte le certificat de garantie établi par Christ à notre égard. Discernons donc, au-delà des paroles exprimées par Paul, verset 12, la plaidoirie de Christ en notre faveur. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Certaines versions disent lui, mes propres entrailles. N'oublions pas que notre acquittement a coûté à Christ le terrible supplice de la croix, où il a été percé jusque dans ses entrailles à cause de notre péché. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Je t'écris de ma propre main, je paierai. Seriez-vous encore séparés de Dieu ? Croyez en l'œuvre expiatoire de Christ, accomplie à la croix. En lui, vous serez pardonnés, réhabilités et bientôt glorifiés, donc retrouvés par Dieu pour l'éternité. C'est comme s'il y avait dans la présence de Dieu un registre d'état civil céleste où notre statut d'esclave inutile aurait été remplacé par celui de frère bien-aimé, utile à Dieu et aux hommes. N'avons-nous pas été introduits dans la famille du ciel pour toujours ? Il faudra toute l'éternité pour découvrir l'ampleur de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Aussi, la bénédiction du salut en Jésus-Christ va-t-elle bien au-delà de tout ce que nous pouvons saisir présentement ? Paul ajoutait à Philémon : Je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Or, c'est aussi ce que Paul montre en Éphésiens 3, 20 à 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Selon les affirmations du Nouveau Testament, le plaidoyer de Christ nous garantit pardon, salut parfait et réhabilitation entière devant Dieu. Chers auditeurs, voulez-vous être au bénéfice de ce plaidoyer ? Acceptez que quelqu'un ait payé à votre place pour vous racheter. Vous passerez alors de l'état d'esclave à celui de frère bien-aimé.